minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monster. Okay, I'll see you. Une heure au sud, l'est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes le 3 juillet 2021, nous sommes ensemble eh bien, pour un nouvel épisode de votre émission qui, je l'espère, si elle n'est peut-être pas la préférée, c'est peut-être une de vos préférées. En tout cas, c'est une émission qui vous fait découvrir un monde musical un peu différent. Le monde musical de la musique indépendante, de la musique alternative, et en tout cas, comme on aime bien le dire, le monde musical de le monde de la musique que vous n'entendez en tout cas nulle part ailleurs, ou alors vous êtes très très très bien informé, et c'est tant mieux d'ailleurs. Au programme de ce jour, eh bien comme chaque mois, comme chaque premier samedi du mois, beaucoup de nouveautés musicales. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va écouter? Un nouvel extrait de l'album de Giovanni Zorzi. On retournera sur un ancien powerplay, celui de Art Noir. On écoutera les Belges de Glass Museum. On écoutera Code 18. Notre nouveau powerplay pour ce mois-ci nous emmènera aux États-Unis. Je ne vous en dis pas plus. C'est une chanteuse. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois en vous disant qu'elle était dans la liste des prétendants. Et bien voilà, c'est son tour aujourd'hui. Et puis donc, on aura aussi notre escapade dans le monde de la bande dessinée. Et puis on parlera aussi d'autres manifestations culturelles de qualité qui vont se dérouler dans les prochains jours, les prochaines semaines, et en tout cas dans les environs. Pour l'heure, je vous propose de commencer bien entendu en musique. Vous le savez, on va écouter le groupe Headband. Je pense que c'est une nouveauté, je crois qu'on ne les a encore jamais entendus dans cette émission. Avec It All Burns, et puis après Knut Odd, et le morceau Mona Lisa Mother Earth. Voilà, bon début de soirée, on est ensemble jusqu'à 18h30. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre aussi dans notre groupe Facebook. Vous tapez Planète Indie dans Facebook et puis vous nous rejoignez, la petite communauté de Planète Indie. Voilà, bon début de soirée. I can ride, but I'm learning to spend the night in one of Lisa's beds. She'll hide the speeding man beneath her innocence. Tonight, no dreams denied in Mona Lisa's mind. We'll ride a drowning world through the cold black sky. My mother, thank you. Si vous nous avez été fidèles ces derniers mois, vous avez peut-être reconnu le style de Jan Weber, alias Art Noir, pour son nouvel album, son nouveau projet, enfin son projet actuel. L'album s'appelle Poems of an Extinct Species. C'était notre powerplay le mois dernier, ou il y a deux mois, mais je pense que c'était le mois dernier, si je me souviens bien. Et là, on écoutait un autre morceau qu'on n'avait pas eu l'occasion d'écouter à l'époque. Ce morceau s'appelle Time and Eternity. C'est vrai qu'il est très long, comme l'éternité, mais celui-ci va quand même passer un peu plus vite. Il fait un peu plus de 7 minutes. 7 minutes, 7 secondes exactement. Allez, je le laisse encore quelques secondes. Et puis après, on ira un peu toujours dans cette même veine électronique, mais un peu différente quand même, avec Giovanni Zorzi, qui est originaire d'Italie, mais qui vit dans le coin de Boston. Et on l'écoutera avec Feel the Beat. Autant vous dire que, aussi, ça va bouger. Apparemment, le son ne passe pas très très bien. Alors, ce que je vais faire, on va faire ça en direct. On va inverser, parce que tout ça se fait encore avec des CD. Hein. On va inverser tout ça et on va passer ça sur la première platine. Comme ça, le son va passer mieux. Donc, ce sera Giovanni Zorzi avec un morceau intitulé « Feel the Beat ». Et là, ce coup-ci, ça devrait aller beaucoup mieux, j'espère. Allons-y, on va voir ça. Ah bah oui, ça va tout de suite mieux. We'll be right back. Si vous êtes un oiseau de nuit, eh bien, vous savez certainement que les discothèques ont réouvert au Luxembourg. Et eh ben voilà, c'est un peu le style que vous pourriez y entendre. C'était Giovanni Zorzi avec le morceau, Feel the Beat, bien entendu. Ben oui, je dis bien entendu parce que je l'ai annoncé tout à l'heure, 17h22, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour sur notre album Powerplay aujourd'hui. L'album d'une chanteuse américaine qui s'appelle Coco O'Connor. Elle est née le 26 novembre 1973 et elle est une chanteuse et donc compositrice américaine originaire de l'Alabama le plus rural et plus précisément de Cullman, une petite ville dans les faubourgs de Birmingham. Cette petite ville se trouve à une heure de route de Muscle Shoals. Muscle Shoals est réputé dans le milieu musical de par essentiellement les studios qui s'y trouvent, à savoir d'un côté Fame Studios, qui ont vu passer dans leurs murs des gens comme Percy Sledge, Aretha Franklin, Wilson Pickett ou encore Otis Redding, et puis de l'autre côté le Muscle Shoals Sound Studio avec une programmation plus rock, on va dire. Au vu eh bien, des venues des Rolling Stones, de Rod Stewart, Paul Simon ou encore Bob Dylan. Muscle Shoals était donc considéré dans les années 60 et 70 comme la capitale mondiale de l'enregistrement des hits. Donc si vous vouliez faire un succès, c'était à Muscle Shoals qu'il fallait vous rendre. Donc on voit que Coco O'Connor a baigné dès son plus jeune âge eh bien, dans ce milieu musical. Bref, revenons-en donc à Coco O'Connor. Son papa était propriétaire de club de striptease à Birmingham, ce qui le laissait absent de la maison l'essentiel du temps. Sa fille ne le voyait en général que le dimanche. Et bien du coup arriva ce qui devait arriver et ses parents finirent par divorcer. À l'époque, Coco avait 10 ans et c'est à ce moment que sa maman lui a conseillé de faire carrière dans la musique. Elle savait Coco passionné et lui a dit de suivre son cœur et d'apprendre à écrire et à chanter comme Dolly Parton, dont Coco était une grande fan. 2 ans plus tard, Coco est allée vivre chez sa grand-mère. Elle y est restée 4 ans. Elle a suivi un parcours scolaire dans sa ville de Cullman. C'est au cours de celui-ci qu'elle a réalisé sa première performance musicale sur le perron du bâtiment administratif de Saint-Bernard, le jour de la fête annuelle de l'école. Voilà pour la première partie de la présentation de Coco O'Connor. On va donc s'en écouter un premier extrait. Et ce premier extrait s'intitule More Than Enough. Et je vous donne aussi le nom de son album. L'album s'appelle quant à lui When I Was Your World. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure de eh bien, ce titre d'album. Et il y a une chanson d'ailleurs qui porte le même nom. Allez, alors ça c'est pour tout à l'heure. Power play. On a toujours le même problème avec le disque. On n'est pas sauvé. Alors, on va faire la même opération que tout à l'heure. Désolé. Bah écoutez, je vais m'y prendre autrement pour la suite de cette émission. On va gérer ça d'une autre façon. Et puis, ça va rouler comme sur des roulettes. Allez, on relance toute la mécanique. Et puis ça roule cette fois-ci hein, pour de bon. Power play. Just like the day before, raise your head up from your pillow and your 2 feet hit the floor. You have everything you need, and the air is so sweet. Every moment is a gift. It's up to you to believe with a little faith and a little grace. Keep your eyes upon the shore. Times get rough, and most of all, may you remember you are more than enough. Most of all, may you remember. You a burning fire inside you. May it all be used for love. And remember, you're the match. There's no need to measure up. Wear those scars upon your sleeve for everyone to see. There's a beauty in the broken parts that make up you and me. Have a little faith and a little grace. Keep your eyes upon the shore if you get caught up in the waves. But you stand tall when times get rough. Most of all, may you give a little faith and a little grace. You keep your eyes upon the shore if you get caught up in the waves. May you stand tall and when times get rough. Most of all, may you remember you are more than enough. Most of all, may you voilà, je vous rappelle son nom, elle s'appelle Coco O'Connor. Son album, c'est When I Was Your World. Et on écoutait le morceau More Than Enough en tant que powerplay aujourd'hui dans cette émission numéro 432 de Planète Indie. On en écoutera donc encore deux autres morceaux d'ici 18h30. J'avais commencé le mois dernier à vous parler du Rockel Garden, le pop-up culturel. Eh bien, je vous en reparle le brièvement. Hein. C'est le centre de musique amplifiée qui investit pour la seconde fois l'espace urbain de Belleval durant la période estivale en collaboration avec le Rockel Café. Eh bien, c'est sous la canopée de sa terrasse arborée que le pop-up culturel Rockel Garden accueille donc depuis le mois de juin une série de plus d'une vingtaine d'événements live en plein air. Le programme de cette nouvelle édition s'inscrit donc dans une volonté de soutien aux acteurs locaux et indépendants de la culture luxembourgeoise et de la grande région. Tout cela se fera à travers une série de soirées et d'après-midi préparées avec soin où chaque acteur prendra possession du Rockel Garden pour en faire son terrain de jeu culturel. Si vous n'avez rien de prévu ce soir, n'hésitez pas à y aller. C'est le Drag Show qui est proposé par le cabaret Barnum. Vendredi prochain, le 9 juillet, c'est la soirée Afro. Et puis samedi prochain, Screaming Field Festival des jeunes talents. Vendredi 16 juillet, la soirée Hip Hop. Samedi 24 juillet, le concert du Ground Club. Et puis n'oubliez pas aussi les après-midi Electronic Chill, il y en a déjà eu deux et ça se passe le dimanche en général. Et donc au mois de juillet, ce sera les 4, 11 et 25 juillet. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site rockel.lu pour la programmation de ce Rockel Garden, le Cultural Pop-Up. On ira faire un petit tour aussi un peu plus complet tout à l'heure pour la programmation musicale de la Rockel. Et puis de nos autres partenaires aussi. Et puis il y a beaucoup de nouveautés au niveau de la Rockel, donc il y a beaucoup de dossiers à vous proposer. Pour l'heure, on poursuit en musique avec Spot is Wood and His Enemies, Going Home for Christmas. Bon, on n'est pas vraiment en période de Noël, mais pourquoi pas. Skinny tears stopping up his nose, but he's gonna see his mama, cause he's going home for Christmas. Pretty girl with a big black eye, she's fallen in love with the wrong kind of guy. But big old daddy gonna make her warm, he's so happy cause she's going home for Christmas. Lonesome guy with a city job made a big mistake when he kissed his boss, cause the money's good. Now she's in love, one more month, then he's going home for Christmas. Seen so much, his eyes are bleary, he's lost his touch, just stumbling round this crazy world. Gonna shave his beard, then he's going home for Christmas. Job. And I went around the world and I miss my mama and I miss my dad. But I'm so glad cause I'm going home for Christmas. Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond, you're listening to Planet Indie. Voilà, vous avez dû comprendre, vous êtes à l'écoute de Planet Indie, et on écoutait Spot is Wood and His Enemies avec Going Home for Christmas, même, eh bien, il n'y a pas de raison, hein. On ose tout dans cette émission, même si on n'est pas en période de Noël, eh bien, on vous passe une chanson qui parle de Noël. Il n'y a pas de raison. Alors, je vous propose d'aller poursuivre le programme de la Rocale, puisqu'on était chaud boulette avec eux. Donc, tout ce qui est Rocale Garden, je vous en ai déjà parlé. Alors, il y a une exposition qui va se tenir à partir du 4 juillet jusqu'au 9 septembre. Ça s'appelle Dinosaur Invasion. Ça a l'air pas mal. Je peux pas trop vous en parler. J'ai eu un communiqué. Il y a une invitation aussi qui a été lancée, mais je sais pas si j'aurai l'occasion de l'honorer pour vous en parler plus longuement. Donc, n'hésitez pas à aller voir et puis vous regardez déjà sur le site de la Rocale. Alors, le concert de Black Pumas du 5 juillet est annulé, de même que celui d'Agnès Obel qui était prévu le 9. Pour la suite, eh bien, qu'est-ce qu'il va encore y avoir de beau ? Le concert d'Amon Amarth le 12 juillet est annulé aussi. Sinon, eh bien, c'est essentiellement le Rocal Garden. On annonce pour l'instant le concert de Van der Graaf Generator, mais ça, c'est au mois de septembre. Donc au mois de juillet, bien, ce sera essentiellement la programmation Rocal Garden du Rocklab. Voilà, n'hésitez pas à aller sur rocal.lu. Et puis on a d'autres manifestations Rocal à vous présenter, notamment le début des Rocklab Sessions. Mais ça, eh bien, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, on poursuit en musique avec Thrift Bakery. Ils nous reviennent avec un morceau intitulé « Not Just Another Rap Song ». Et ensuite, ce sera les Suédois, qu'on aime bien, les Suédois de All Mother, avec le morceau intitulé « Céleste » ou « Céleste » en français, si vous le voulez. Chancellor of noise. What is a musician's habitat? To party like you could never imagine. Indie tryhards, I salute you. Rock and roll diehards, play too loud. Sweet soul music makes you wanna cry. And you wanna see me dance in the unitard. I'm a coin slot and you're a token. I'm a toy whose neck has been broken. He wants to smack me, and your mama is never gonna call ya. You better get some more game than the next man. Get some more game than the next woman. Get some more game than the next man. Get some more game than the next woman. The person you should never believe is the entertainer. The people who make the trouble are the artists. Thank you. Elle est suédoise, c'est le groupe, l'artiste All Mother. On l'écoute avec Céleste, et avant cela, donc Thrift Bakery, Not Just Another Rap Song. Je vous en parlais tout à l'heure des Rock Lab Sessions organisées par le Rock Lab, évidemment. Cette première saison a été lancée sur la chaîne YouTube du Rock Lab le vendredi 18 juin à 20h. Avec deux diffusions hebdomadaires les mardis et vendredis à 20h. Avec ces Rock Lab Sessions, le Rock Lab continue de soutenir et de promouvoir la scène musicale locale en offrant aux artistes une scène virtuelle, quel que soit leur genre musical, leur âge et leur expérience. Cette première saison comprend 12 épisodes, mettant en vedette Pleasing, Heavy Petrol, Stellize, Drift, T the Boss, The Ferocious Few, Francis of Delirium, Loivos, Benoît Martini Band, Atomic Rocket Cedars, 0.5 et enfin Pine Way. Et puis ces Rock Lab Sessions et les Rock Lab Pop-Up Sessions, elles sont ouvertes aux candidatures. Et il y a un comité de sélection qui se compose de bookers, de promoteurs et de partenaires locaux qui sélectionnent régulièrement de nouveaux projets. Si cela vous intéresse, que vous êtes un artiste, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée. Vous passez pour l'occasion par le site rocklabsessions.lu et vous y trouverez là toutes les informations utiles pour candidater. Nous, avant de retourner sur notre album Powerplay, je vous propose d'écouter un artiste qu'on n'a encore jamais entendu, je ne pense pas. Je m'en souviendrai. Son nom c'est Scott McClatchy. Et on l'écoute avec un morceau intitulé Heat Treatment. C'est vrai qu'avec les températures qu'on a ces derniers jours, on en a bien besoin. Le traitement le plus simple, c'est une bonne crème à la glace, hein, oui, pourquoi pas. We'll be right back. Scott McClatchy, extrait d'un album intitulé Six of One, et on écoutait Heat Treatment. 17h50, retournons si vous le voulez bien sur notre album Powerplay, l'album When I Was Your World de Coco O'Connor. Quand je vous racontais sa petite histoire, eh bien, on s'était quitté tout à l'heure au moment où, eh bien, où elle, elle était à l'école secondaire et elle avait fait son premier, sa première performance musicale, eh bien, le jour sur le perron, sur le bâtiment administratif de son école. Une fois son diplôme, eh bien, de l'école secondaire en poche, Coco O'Connor a déménagé avec sa maman. Cette fois-ci, bah, rappelez-vous, hein, on a dit tout à l'heure, auparavant, qu'elle était partie vivre chez sa grand-mère. Cette fois-ci, elle déménage avec sa maman à Baltimore. Là-bas, elle a débuté sa carrière musicale, tout d'abord comme présentatrice pour Rock Live. C'est ainsi qu'elle a rencontré son premier partenaire d'écriture et de composition, qui deviendra, 5 ans plus tard, son mari. Ils ont commencé à écrire et à enregistrer des démos. Ayant déménagé ensuite à Nashville, notre duo s'est mis à arpenter le Music Row, le quartier de la ville dédié à l'industrie musicale, déposant ça et là, partout où ils le pouvaient, leurs cassettes. En 2015 est enfin sorti le premier album de Coco O'Connor. Enfin, car entre-temps, Coco avait... attendez, je me perds un peu dans mes notes. Le premier album de Coco O'Connor, et puis les autres ont... J'ai dit enfin, oui, c'est cela, je m'y retrouve. Seulement en 2015 est sorti le premier album de Coco O'Connor, parce que entre-temps, eh bien, Coco avait quelque peu laissé la musique de côté. Elle a en fait subi un carjacking. Ça s'est passé à l'époque où elle enregistrait son premier album, donc un petit peu avant. Et ce qui l'a amené à souffrir de stress post-traumatique. Du coup, eh bien, tout ce qui pouvait lui rappeler cet épisode, elle l'a mis de côté, notamment aussi la musique. Elle a cherché du réconfort au niveau de la peinture, avec succès notamment, puisqu'elle a été exposée dans plusieurs galeries à Santa Fe. Pour ceux qui sont un peu branchés, Santa Fe, c'est devenu depuis quelques années, eh bien, le centre névralgique pour l'art contemporain. C'est une ville, eh bien, où les galeries ont poussé comme des champignons. Ensuite, eh bien, les autres albums ont suivi relativement rapidement. Turquoise est sorti en 2016, son EP This All War en 2018. C'est un morceau dans lequel elle traite assez longuement des problèmes de couple et des difficultés à affronter les virages de la vie à deux. Elle était bien placée pour en parler, puisqu'à cette époque, eh bien, le sien de son couple battait quelque peu de l'aile. Et puis enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, When I Was Your World, sorti en 2020 et enregistré à Nashville. On en parlera un peu plus longuement de cet album tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, on écoute un second extrait, et cet extrait s'intitule White Horse, le cheval blanc, Coco O'Connor. C'est notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. I was too far gone to turn back around. No water or wine to quench my thirst. Old stone bruises on feet of clay. A terracotta sunset pulling down the day. That fool. Come see you rider. Fighters followed by vultures. Time to va raccourcir un petit peu ce morceau de Code 18, River of Blood, parce que sinon on n'arrivera pas au bout de la programmation musicale de ce soir. C'est vrai qu'il fait, plus de 6 minutes. Au niveau de la Culture Fabrique, eh bien, il y a toute une série de concerts qui sont organisés le samedi 3 juillet, donc aujourd'hui. Vient de commencer Dives, je ne sais pas trop comment il faut dire. C'est dans le cadre de la braderie urbaine, donc c'est à 18h, donc vous pouvez y aller quand on aura fini l'émission, hein, y aller d'ici quelques minutes, une demi-heure, ça c'est bien, et vous restez encore une demi-heure avec nous et puis vous allez jusque là. 19h30, prennent le relais les Oracle Sisters, et puis à 20h30, Takeshi's Cashew. D'autres concerts de la Culture Fabrique, Aloïs le mercredi 7 juillet, Mélénas le 8, La Fanfare couche tard le samedi 10 juillet à 19h. Mutinity on the Bounty, mais ça c'est déjà complet, c'est pour le jeudi 15. Pareil pour le vendredi 16, c'est déjà complet. Alors il vous reste encore au mois de juillet, Jealous, ce sera le 22 à 20h, c'est un jeudi. Voilà, comme ça vous savez tout sur la programmation de la Culture Fabrique. On ira encore tout à l'heure voir ce qui se passe du côté de Neumünster. Pour l'heure, on écoute les Belges de Glass Museum avec de la musique un peu plus calme. Et ça s'appelle Colophon. Thank you. Voilà, très beau morceau du groupe belge Glass Museum. On va les écouter avec Colophan. Il est 18h08, et bien, il est l'heure de passer à notre capsule BD. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un livre qui s'appelle La fortune des Vinkslaves, le tome 1, Vanko 1848. Monténégro 1848, le peuple paysan est opprimé par l'envahisseur turc. Parmi les chefs rebelles se trouve un jeune médecin idéaliste, Vanko Vinkslav. Dénoncé, il se voit contraint à la fuite et à l'exil. Dans une auberge de Dubrovnik, il rencontre Veska, une jeune bulgare enceinte suite à un viol et traitée comme une esclave par le tenancier. Et l'emmène avec lui. Il l'épouse sur le navire qui les porte vers les États-Unis afin de lui permettre d'y entrer sans ses papiers. Après avoir accouché de Sandor, ne voulant pas de l'enfant, elle quitte Vanko. Ce dernier épouse Jenny, l'infirmière qui travaille avec lui dans l'hôpital, où il a trouvé un emploi qui lui donnera un fils, Milan. Le bonheur est de courte durée. Vanko est injustement condamné à la prison à la place de son chef. Quand survient la guerre civile, il est réquisitionné sur le front. Il doit s'enfuir pour ne pas retourner en prison. Au décès de leur mère, Sandor et Milan partent l'un vers l'ouest pour y construire un ranch et élever du bétail et l'autre vers le sud pour y faire fortune dans le pétrole et y épouser Julie, une Canadienne plus douée avec une Winchester qu'en cuisine. Bien que cette mini-série de 3 volumes soit une préquelle de la collection Largo Winch, donc en gros, eh bien, c'est une collection qui va vous expliquer eh bien, les origines de Largo Winch, en gros, hein, son passé, son héritage. Eh bien, cette collection, elle peut très bien vivre sa propre existence indépendamment de cette dernière, sans perdre en compréhension. C'est déjà une réussite. C'est un exercice difficile de résumer le premier tome de cette saga familiale de manière à la fois concise, mais en même temps suffisamment précise et sans trop de raccourcis. Il s'étend sur 2 continents et plusieurs dizaines d'années, s'intégrant dans les péripéties historiques de cette époque, depuis les événements de 1848, une année bien remplie aux 4 coins de l'Europe jusque plus ou moins 1888, en abordant la guerre de sécession, la prospection et les premiers balbutiements de l'industrie pétrolière, Buffalo Bill, le chemin de fer et la conquête de l'Ouest. Aucun moment de répit n'est plus laissé au lecteur qui doit rester vigilant pour affronter les ellipses temporelles et garder le fil du récit grâce aux indices dissimulés ça et là, qu'au protagoniste, donc n'est plus laissé au lecteur, pas plus qu'au protagoniste qui surfe en permanence sur les montagnes russes de leur vie, jalonnées de réussites, de drames, de trahisons, d'amour, d'affaires. Bien que Vanko soit le pivot de ce premier épisode, les femmes y jouent un rôle central, ce sont elles qui guident les héros, prennent en main leur destinée et les orientent. Seul Sandor trace lui-même sa voie, mais au final, ça ne lui réussit pas. Les dessins sont très réussis, élégants et réalistes jusque dans les détails, avec un petit bémol cependant pour les scènes guerrières qui semblent moins abouties, plus brutes, comme si la violence ne s'embarrassait pas de telles vétilles. Malgré leur inévitable pléthore, eh bien, les différents personnages ne prêtent pas à confusion et restent identifiables, ce qui n'a pas dû être une sinécure pour Philippe Berthet, le dessinateur. En conclusion, eh bien, c'est un récit fouillé, mené tambour battant, prenant sur le fond l'histoire et tout l'environnement historique, comme sur la forme, l'attention soutenue dont il faut s'armer, ainsi que les nombreux phylactères, ce qui donne au final une œuvre classique, documentée, bien dessinée, bien colorisée. La profondeur des personnages, tout comme l'attachement du lecteur à ceux-ci, pâtissent quelque peu du rythme imposé, mais c'était un sacrifice inévitable. Le final laisse présager que beaucoup de choses sont encore à venir, toutes les portes étant laissées ouvertes. Voilà, c'est le premier tome de la mini-collection La Fortune des Vinkslaves, c'est le tome 1 Vanko. C'est sorti chez Dupuis et bien évidemment on retrouve Van Hamme au scénario et Berthet au dessin. Je vous mettrai la conclusion sur notre page Facebook ainsi que la couverture et puis la fiche de lecture en entier sera à découvrir sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Pour l'heure, on retourne parce qu'on y avait été le mois dernier sur le tout nouvel album de Arda avec son groupe Arda and the Stolen Moon, qui est originaire de Nicosie en Chypre. Le mois dernier, on avait écouté Apple Upset, The Apple Cart. Eh bien, je vous propose d'écouter Pebble in My Shoe, Arda and the Stolen Moon. On va raccourcir un peu. Malheureusement, ce morceau de Arda and the Stolen Moon, parce que de nouveau le temps presse et on doit encore aller voir sur l'abbaye de Neumünster. On doit aller encore pour une troisième fois dans notre album Power Play, ce qu'on va faire tout de suite. Je vous rappelle, il s'agit de l'album When I Was Your World de Coco O'Connor. Cet album, comme on le disait tout à l'heure, a été enregistré à Nashville. Comme Coco avait un contrat avec Bonfire Music Group, elle se devait de l'honorer et donc de produire quelque chose. Elle s'est tournée vers les potes avec lesquels elle avait travaillé en 2018 à l'époque de This Old War et s'est servie de leur expérience comme source d'inspiration. On pourrait penser que la chanson qui donne son nom à l'album fait à nouveau référence au problème de couple et la séparation. Même si on peut en transférer certains éléments dans un tel contexte, c'était pas le cas à l'origine quand Coco l'a écrite. En effet, le point de départ était sa fille, qu'elle voyait grandir avec un sentiment de joie, mais aussi de tristesse lié au fait que ce petit bout, au fur et à mesure de son développement, par définition, devenait de plus en plus indépendant de sa maman, qui en venait par moments à regretter ces jours où elle constituait à elle seule l'univers de sa fille. On participait aussi à l'enregistrement de cet album, les Scholes Sisters, qui ont dans le passé chanté avec l'une des plus grandes légendes de la musique soul, Etta James. A signaler encore au sujet de Coco O'Connor qu'elle a reçu une récompense en 2019 de l'International Acoustic Music Award pour sa chanson The Devil, A Wounded Man and Me. Ces chansons sont passées en télévision, notamment sur The History Channel, The Craig Ferguson Show, PBS ou encore Netflix. Je vous donne son site internet www.cocooconnor.com et puis je vous ai mis aussi une vidéo sur notre page Facebook. Comme cela, vous savez tout, vous êtes devenus des spécialistes de cet artiste folk bluegrass Coco O'Connor. Troisième extrait qu'on va écouter aujourd'hui, ça s'appelle Sister Queen, c'est Coco O'Connor et c'est notre power play aujourd'hui soir dans Planète Indie. Power play. Power play. Power play. Working real hard to save my pennies for someday. Gonna get a ticket to ride to someplace far away. A someday. Better get here soon. Thinking I won't make it, then I get a second wind from nowhere. Thinking long and hard and asking myself how I got here. I'm so far. Never gonna make me happy. Finding out the crazy life in big city lights are blinding. Can't say I didn't try now. Well, it took my heart. Je vous rappelle son nom, Coco O'Connor, son album When I Was Your World, c'est notre power play ce soir dans Planète Indie pour notre épisode numéro 432. Au niveau de la programmation de Neumünster, il y a pas mal de choses. Demain, c'est la suite du Big Bang Festival, il y a plein de concerts, je ne vous rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, et puis allez voir sur le site de Neumünster, il y a trop de choses. Les affaires reprennent d'ailleurs puisque le 7 juillet, vous aurez le concert From Barcelos to Caracas. Le 9, Luften. Le 10, Skip. Le 11, apéro-concert Galetrio. Le 11 juillet à 17h, cette fois-ci, Urk. Le concert de Ben Harper est reporté. Le 13 juillet, Athletic Progression. Le 18, Ezinam. Le 18, Ezinam, c'est à 11h. Le 18 à 18h, ce sera Passport on the Beat. 21 juillet, The Label Show. 22 juillet, Gaïda. 25 juillet, Simon S. Osborne et Van der Heuvel d'Acoustic Trio. Donc, pas mal de choses aussi au niveau de Neumünster. On poursuit, on termine en roue libre cette émission avec tout de suite S, All of It All. Et normalement, on aura encore un petit peu de temps après pour écouter The Sunny Smiles 3. Une prochaine fois plus longuement, S avec All of It All. On va se quitter avec le Sunny Smile 3 The More. J'étais très heureux de passer ce début de soir en votre compagnie. C'était l'épisode numéro 432 de Planète Indie. Vous nous retrouvez sur Facebook et puis sur internet www.ilovemusic.ga. Cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 et le podcast sera disponible sur notre site internet et dans Facebook. Eh bien, très rapidement, peut-être même ce soir, sinon. Demain, la prochaine émission, eh bien, ce sera samedi prochain, le 10 juillet, à 17h. Nous, la prochaine émission, ce sera le C'est Tout. J'étais très heureux donc de passer ce début de soir en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Je vous retrouve donc le C'est Tout. D'ici là, portez-vous bien, un bon week-end. Et puis, de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et on se retrouve donc le C'est Tout à 17h sur cette même fréquence. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Ciao. With empty colors, traffic lights and empty shops, neon by the storm, long roads, flashing glows, and I see the colors of the moon. Winter. Thousand shades of grey and granite wall. Home roads, travel stones, and I see. je réponds. I sleep on the sheets of rain, blankets of heather, sunken lanes, pillows of clouds, crowing pain, quilt of snow, roofless loss and pain. Not yet, no.